3. Écoutez et entourez ce qu'elle a fait hier. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas travaillé. J'ai fait le ménage et les courses avec ma fille. Nous avons déjeuné en famille, comme tous les dimanches. L'après-midi, j'ai vu une expo très intéressante. Et le soir, on a regardé un vieux film français à la télé.